Section 9 de La grammaire de Mademoiselle Lily, par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 9. Les trois personnes. Nous arrivons maintenant à ces trois personnes que je t'avais annoncées. Quand deux personnes causent ensemble d'une autre, il y en a une qui parle, une à qui l'on parle, une autre de qui l'on parle. Ce sont là trois personnes. Le matin, par exemple, quand je t'envoie porter le journal à papa, voici comment les choses se passent avec ces personnes. Je te donne le journal, je suis la première personne. Tu le portes à papa, tu es la seconde personne. Il t'embrasse pour la peine, il est la troisième personne. Mais, maman, si le journal tombe et se salit, je dirais de lui en le donnant à papa, il est tombé. Un journal, ce n'est pourtant pas une personne. Tu as raison, mais c'est tout comme. Tomber, c'est une action, et tout ce qui fait l'action exprimée par le verbe est considéré comme une personne. Maintenant, je n'ai pas besoin de te dire que je, tu et il sont des pronoms. Tu auras vu tout de suite qu'ils remplacent des noms. Ils sont là pour maman, Lily et papa. Fin de la section 9, enregistrée par Ezoa en Belgique en mars 2021.